بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. 41 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، vite fait, خلاصة avant d'entrer dans باب آداب قضاء الحاجة. في خلاصة du dernier باب qu'on a pris, qui était نواقض الوضوء. من الأحكام التي أخذناها parmi ce qu'on a pris comme jugement, on a pris أولاً النوم, le sommeil. Le sommeil, c'était un نواقض الوضوء, c'est-à-dire le sommeil profond. Il y avait un détail sur la question. Ce n'est pas tout sommeil. Le sommeil léger, il n'est pas l'odo. Le sommeil profond, il n'est pas l'odo. Et il est rejoint par tout ce qui est izalatul aql ou al-irma. C'est-à-dire lorsque tu as perdu la raison ou lorsque tu t'es évanoui. Même on avait pris ça. Demain, quelqu'un qui a perdu la raison par la démence ou par l'ivresse, ce genre de choses, ça annule l'odo. Et également ceux qui par exemple, qui s'évanouit, ça annule l'odo. On a pris également l'istihada. C'est les pertes de sang qu'une femme peut avoir autre que les menstrues. Cette masala nous a posé problème parce que le chir en apparence avait l'air de voir que ça n'annulait pas l'odo, alors que ça annule l'odo vu que c'est une chose qui sort du vagin de la femme. Et on avait lié à cela l'istihada dam al-hayd, le sang des menstrues, qui lui à la base c'est un rousse qu'il lui faut. Pas le dos seulement, il faut le rousse. Non. Arrasna idan, khourouj el mazi. Le mazi, qui, on avait nommé ça comment, le liquide prostatique, que lorsqu'il sort, il a besoin de faire le dos. Le hadith de Ali. Après, on a pris la masala de moulin masat nisa, pour le toucher les femmes. Est-ce que ça n'est le dos ou pas, qu'il y avait un khilef, et que la parole prostatique, c'est que ça n'est pas le dos. Le sens voulu par moulin masat, c'était les rapports. Al-jima'a. Comme on dit en arabe. On avait pris khourouj et rih, le fait d'avoir des gaz, le fait de péter, comme on dirait. Et autres, il y en a toutes les choses qui sont liées, qui est la sortie de deux orifices, de devant et de derrière. Ce qui sort de l'anus et ce qui sortirait du vagin, du pénis. Vagin pour la femme, pénis pour l'homme. Tout ce qui sort des deux, ça annule l'odo, à la base. Quand même. On a pris différentes masselles, tu te rappelles, avec un verre ou des cailloux ou des poils ou ce genre de choses. Donc, avec les gaz, on a lié quoi? L'urine, celui qui urine, et la défection, celui qui fait le grand besoin. On a pris quoi? Mas et zakar, le fait de toucher le pénis. Puis on avait lié à ça également, le fait de toucher le vagin. Il y avait un khilef sur la masala. La plupart des masalas, il y a des khilafs, tu vois. Mais alhamdoulilah, bifadlillah, on a pu avoir les adillah pour voir c'était quoi la parole la plus sûre. Donc le fait de toucher le pénis, et il y a eu un khilaf, quand oui, parce qu'il y a deux hadiths, quand même, qui s'opposent, voilà. Et que le chir lui voyait que c'était mustahab, préférable. Quand même, c'est son avis à lui. On avait parlé de Al-Qay ou Ru'af ou Al-Qalas. Al-Qay, c'est le vomissement. Ru'af, c'est l'hémorragie nasale, c'est le saignement du nez. Et Al-Qalas, c'est les remontées. Parce qu'il y a même l'estomac qui remonte. Mais avec tout ça, il n'y avait aucun dalil. Le hadith qui était venu était faible. Celui qui vomit, il n'a pas à refaire l'odo. Alors, du moins, c'est pas wajib. Maintenant, s'il veut sincer la bouche parce que ça dégage des odeurs, naam. Saignement du nez, ça le salit, il veut se nettoyer, naam. Et les remontées, c'est encore autre chose. On est parlé du ghusl al-mayyit ou haml al-mayyit, le fait de laver le mort ou de le porter. Avec tout ça, il n'y a pas de dalil sûr à l'appui, donc ça n'annule pas l'odo. Il y avait un istirbeb pour le ghusl du mayyit, on l'avait pris, comme dans le hadith de Ali, c'était venu que c'était mustahab, recommandé de faire le ghusl la fois, de faire le ghusl pour celui qui a porté le mort, comme dans le hadith où Ali, radiallahu anhu, a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son père était mort. Il lui a dit, va l'enterrer sûrement ensuite revient me voir et il ne parle à personne. Une fois qu'il a fait ça, il est revenu le voir, il lui a dit va te doucher, va te laver, tu ne parles à personne, reviens me voir. Et la troisième fois, il est venu le voir, il lui a fait un doigt. On est pris la mas'ala, mas al-mus'hafi, al-ghay tahar, le fait de toucher le mus'haf sans être en état de purification. Aussi, il y avait un khilaf kawi par rapport à ça. On avait pris la mas'ala, zikrullahi, al-ghay tahar, le fait de faire, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire le tahlil, faire le takbir, tasbih, tahmid, wa ghayr dhalika min al-azkar, sans être en état de purification. Et que tout cela était permis. Tamam. On avait pris l'hijama, les ventouses. Vous n'avez pas pris le hadith? Le hadith de Anas. C'est Ihtajama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma salli wa lam tawadda. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, avait fait l'hijama. Après, il a fait salat, il n'a pas refait le dos. Mais le hadith, il est faible. Le hadith, il est daïf. Et quoi qu'il en soit, tayyib. Donc là, c'était la masala, le fait de faire sortir du sang volontairement de ton corps. C'est connu, les hijama, la ventouse. On te fait des petites rainures comme ça, avec une lame. On pose une ventouse, et après, on extrait. Alors, on fait sortir le sang, le mauvais sang. Quand même. Et ça, c'est un parmi les causes de remède. Ça, c'est un remède parmi les causes de guérison, certains maux. Donc voilà. Donc certains ont vu que le hijama amène à faire l'ozo, se basant sur le hadith qui était faible. Et en fait, non. Et on a même dit que le sang n'est pas une najasa, hormis le sang des menstrues. Et le sang des du nifas. Également, le nifas, il rejette les menstrues. On a oublié de citer là. Une fois qu'il se nifas, elle doit faire le rouslu. Le sang de nifas, c'est déjà ça. Taïb. Et par rapport à l'hijama, ce qui est préférable, c'est de se doucher après. Et pas un rouslu pour la tahara, un rouslu pour se nettoyer du sang. Bah, c'est une hijama dans le dos, par exemple, une grosse hijama, t'as perdu beaucoup de sang, t'auras les traces de sang sur le dos. Donc le meilleur, c'est de te nettoyer. Mais ça, c'est bien, pour la propreté, c'est tout. Mais ce qu'il y a, la purification, il n'y a pas de lien. Donc le sahih, c'est que la hijama n'en pas le dos. Et on avait pris quoi? L'ahm al-ibil. Le fait de manger de la viande de chameau. Donc la viande de chameau, c'est parmi les nawaqid de l'odo. Et la cause, elle est ta'oubudiya. La cause, c'est une cause qui est liée au culte. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sagesse apparente pour nous. C'est ce qu'on appelle ta'aboudi. On l'a pris en plus ce matin dans le fiqh. Que c'est une chose que tu fais en adoration et que la sagesse et la raison de son application ne te sont pas apparues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est ce que nous, on ne la connaît pas. Donc on appelle ça amrun ta'aboudiyun. C'est une chose qui est liée à l'adoration, c'est tout. Comme, par exemple, on avait pris quoi? Donne-moi un exemple de Amta Aboudi. Je parle de nous. Dans le Kitab, on a pris un sujet qui était lié à ça. Si tu te rappelles. La Alaka Tathkour. Eh ouais, le fait de. Il y en a plein, mais je te parle de Sabil Emthel. Quand tu mettras la prophète. Mathal, le fait de faire au-dessus. Amta Aboudi. Non, le fait d'essuyer le khouf sur la surface, voyez, et non pas en dessous, comme l'a dit Ali, donc on a din birey, la kana asfal el khouf, aoula bil mas min a'la, wa raytoula sallallahu alayhi wa sallam, masaha dhahil khoufay. Si la religion était basée sur la raison, la partie inférieure du khouf aurait été plus en droit d'être essuyée que la partie supérieure, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus de ses khouf, donc voilà. On avait pris quoi? Parmi les causes de l'umur ta'aboudiya, on avait pris le nombre de lavages de récipients dans lesquels le chien avait jappé. Ou happé, non. On avait dit que c'était 7 fois. C'est quoi la cause? On ne la connaît pas. Pourquoi 7 fois? Pourquoi c'est pas 10 fois? Pourquoi c'est pas 8 fois? Pourquoi c'est pas 5 fois? Donc ça, c'est un umur ta'aboudi. C'est lié à l'adoration, on fait. Ou par exemple, les, comme on a pris comme exemple, le nombre de rakats dans les salawat. Pourquoi le fajr c'est 2? Pourquoi le dhor c'est 4? Pourquoi le as c'est 4? Pourquoi le as c'est silencieux? Pourquoi le maghreb c'est 3? Il y a une partie qui est à voix haute, une partie qui est à voix basse. Pourquoi le isha c'est 4, une partie qui est à voix haute, une partie qui est à voix basse, ainsi de suite. Toutes ces causes-là, certains ulama ont voulu en tirer des raisons, mais en gros, on n'a pas de dalil. On n'a pas de dalil lié à ça. Ça, c'est des umur ta'aboudiyah. C'est un ta'aboudi qui lie à l'adoration, la révélation. On sait, on ne sait pas, on fait. Et si les premiers ne l'ont pas su, c'est pas nous qui allons le savoir. Si les salafs ne l'ont pas su, c'est pas nous aujourd'hui qui allons le savoir. Quelle. Quand même. Allah ne va pas nous honorer d'une chose que des meilleurs que nous n'ont pas eue. Ça, ce n'est pas concevable. Aujourd'hui, nous, on fait que, ou si on a des sujets contemporains qui n'ont pas eu lieu auparavant, tiens, une mas'ala qui est liée par rapport à ça, en quoi nous aurions été honorés d'une chose que les sahabas ne l'ont pas eu. Mas'alaine, dans le corps de Pharaon. Naam, pendant le verset, c'est venu que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son corps pour qu'il soit ainsi pour ceux d'après lui. Des gens pris ce verset ont interprété, ben regardez aujourd'hui, on a Pharaon, les momies dans les musées qui sont là, c'est Pharaon. Après, ils ont fait des expériences scientifiques, je sais pas quoi, qui prouvent qu'il a été noyé, que cette momie vient, a été noyée, c'est un tas de blabla. En détaillé. Ces momies, présentes dans les pyramides, qui à la base sont des tombeaux. Les pyramides sont des tombeaux. Tombeaux des pharaons. Comment dire? Je sais plus ce qu'il s'est, je crois que c'est Abdullah ibn Amr, ou je sais plus qui a été envoyé en émissaire, Fémis. D'accord? Et qui n'a pas eu le privilège de voir ces momies. Et de voir Pharaon, soi-disant. Donc nous, petits serviteurs que nous sommes, et grands ignorants que nous sommes par rapport à eux, et petits adorateurs que nous sommes par rapport à eux, nous allons arriver, et Allah va nous octroyer le fait de voir ce signe, soi-disant dans son Coran, dans le Coran, il dit, qu'eux n'ont pas vu. Alors qu'à la base, ce sont eux les plus savants, ce sont eux les plus pieux, ce sont eux qui ont le plus de compréhension, ce sont eux qui ont le meilleur cœur. Donc un verset dans le Coran n'a pas été décelé à leur époque, il va l'être à notre époque à nous. Ça, c'est une fikra que des gens ils ont, que le Coran, genre, avec les époques, il change. On dit non, il ne change pas avec les époques. Il ne change pas avec les époques. Le os, la raison d'un verset à la base, quoi qu'il en soit, Nabi Salam, il a façonné le Coran. Il l'a expliqué, donc il n'y a pas un truc nouveau qu'on va avoir aujourd'hui. Hein, on n'aura pas un nouveau tafsir aujourd'hui du Coran. Mais maintenant, arriver et trouver une nouvelle explication Coran, c'est pas possible. Ça veut dire que le Prophète, il a pas fait son travail, c'est ça que ça veut dire. C'est juste ce verset, on a découvert aujourd'hui qu'est-ce qu'il voulait dire. On va dire, donc le Prophète, il est arrivé, il n'a pas expliqué la parole d'Allah à son époque, et qu'aujourd'hui nous on a compris. Sans messager avec nous. Où est-ce qu'on a vu ça? C'est pas possible. Et ça, tout ça chez les Ikhwan, ce genre de Afkar, chez les Ikhwan des musulmans. Il y a certains salafis qui ont le cœur un petit peu trop penché sur la culture moderne, tu vois, qui aiment un petit peu trop se cultiver, qui devraient plutôt prendre leur mushaf et les kutub des salafs plutôt que aller au musée ou aller sur les sites historiques ou aller je sais pas quoi. Ah ouais. Ils aiment un petit peu trop, peut-être Allah alam. Donc des choses qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour l'akhira, bien entendu. Donc c'est arrivé ce khilaf par rapport à Pharaon, que le Pharaon qu'il a actuellement, là c'est Pharaon de Moussa. On dit non. Le verset est venu pourquoi dans le sens. Pour dire que Allah a préservé son corps après la noyade, pour que les gens de son peuple voient que Pharaon il est mort. Lui qui était adoré, qui était une divinité. Regardez Pharaon, qui faisait la terreur, qui vous terrorisait, qui vous tyrannisait, regardez, il est mort, il est là. Et ça le signe. Pas pour que nous, aujourd'hui, on vienne, on dit tiens, on a vu Pharaon. On dit là, il n'y a pas de dalil là-dessus. Pharaon qui est là, Allah alam c'est qui? Maintenant dire c'est lui dans le Coran, parce qu'on a fait des recherches scientifiques, on a vu qu'il avait été noyé ou quoi, on dit alors. Parce qu'il est noyé, c'est lui. Qui dit qu'il n'a pas qu'il soit noyé aussi? Qui dit que la baraque s'est noyée? Hein? Non, c'est un titre. Ouais, c'est un statut, c'est comme César. Tu vois, c'est un statut, c'est pas un prénom. C'est un statut. Comme le Najashi, Négus. Comme un empereur, comme un roi, tu vois. C'est un statut. Il y en a eu plusieurs des Pharaons. On sait ça qu'il y en a eu plusieurs. Tu vois. Qui dit que c'est pas un qui avait un bassin chez lui, c'est noyé dans son bassin? Non, c'est lui qui s'est fait tuer par les, lorsque la mer s'est ouverte pour lui, et il s'est fait noyer, c'est lui. Tu le sais, tu en es sûr et certain. Tu n'en es pas sûr et certain. Et le Coran, il n'appuie pas forcément ce que tu dis là. Donc, faut pas que les gens viennent avec des choses comme ça. Oui, on sait, c'est ça, ici, kaza, kaza. Pour appeler les gens à l'islam, soi-disant. Il y en a pour les gens à l'islam de cette façon-là. Tu vas pas avoir des mouahidoun purs. Tu vas avoir des scientifiques qui vont faire passer leur raison sur les textes. Il l'aime, rahimallah. Si vraiment le wafak, après, ils comprennent bien qu'ils fassent tawbah. Mais cette façon de faire, hein, basée sur la raison comme ça, là, tu peux te servir de la raison pour les koufars. Sur les choses de la raison, les choses sur la rububiya, pour un kafir qui dit moi je crois pas en divinité. Tu peux. Alors spontanément dans le Coran, il l'a fait combien de fois avec les Quraysh sur les créations des cieux de la terre, ce genre de choses. Pour dire, regardez tout ça. Tu vois. Tu dis qu'il n'y a pas le Seigneur. Regarde autour de toi, analyse ce qui se passe autour de toi. Regarde ce monde, comment il est fait. Il est venu par hasard, comme vous dites. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même toi qui as fait un ordinateur et qui est impressionné par son logiciel et tout son système, qui est limité, ta mémoire, la mémoire de l'ordinateur est limitée, le nombre de RAM est limité, l'écran est limité, tout est limité, t'es impressionné par ça. Regarde autour de toi le monde qu'il y a là. Ça t'impressionne pas ça? Tu es là, t'es en train de gonfler, je sais pas comment s'appelle l'autre, là, Bill Gates, Microsoft, il a fait un PC, une calculatrice, ça y est, c'est devenu je sais pas qui. Et Allah, ce moment-là, qui a créé cet univers, tu ne le reconnais pas. Tu dis non, y a pas, c'est venu par hasard, c'est venu comme ça, il y a un Big Bang, c'est explosé, tout est là. Je dis ah bon? Il dit regarde ton corps à toi. Ton simple corps à toi. Je dis donne ta main, je prends une lame du cutter, je te coupe. On va voir dans une semaine. C'est fermé. Tu n'es pas impressionné par ça? Ça ne te fait rien. Viens, je te bouge ton nez, ta bouche, en même temps que tu respires plus. 5 minutes, t'es mort. Je te lâche, c'est comme si on t'avait libéré de. Tu vois? Tu dis pas qu'un truc. Tu vois pas que t'es organisé, t'es fait de sorte à ce que tu puisses vivre et tout est géré en toi. C'est organisé d'une façon parfaite. Ça ne te dit rien. Ils veulent pas. Pourquoi l'orgueil? Tu vois, l'orgueil. Donc appeler les gens à l'islam de cette façon-là, c'est pas une bonne façon de faire. Il faut faire comme les prophètes ils ont fait avec le tawhid. Qu'ils sachent pourquoi elle a été créée et qu'ils accomplissent cette chose-là. Après. Qu'ils connaissent Pharaon ou pas Pharaon ou Microsoft ou pas, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème ça. Ça c'est Dunia, ça c'est ma vie. Et si tu n'arrives pas le café, il va le faire, c'est pas un problème. Et même Allah ne nous a pas créé pour qu'on fasse des grands ordinateurs. Si on les fait, alhamdoulilah, on les fait pas, c'est pas grave. Quelqu'un les fera pour nous. Quelqu'un les fera pour nous, c'est pas un problème. AMG, nous c'est qu'on adore Allah, qu'on rentre au Jannah et qu'on se préserve de son feu. C'est tout. Quitte même t'es, on va dire, un clochard. Comme on dirait, t'as pas de maison ni rien. T'adores Allah, t'es mouahid, mais t'es meilleur que les milliardaires de la terre, parmi les koufars. Y a pas de comparaison entre toi et eux. Alors, leur richesse, c'est que c'est dommage pour eux, mais ils rendront compte pour ça. Toi, t'as même pas de zakat, même pas de zakat à faire, t'as rien. T'as une vie triste en apparence ou quoi, mais dans ton cœur, t'es serein. Et même ça, on a du mal à y croire. Que t'auras un mouahid comme ça, clochard toute sa vie, on a du mal à y croire. Que Allah, il va te laisser comme ça, on ne peut pas y croire. Même on va dire que t'es clochard, je suis sûr que t'auras un qui va te venir sans même que tu attendes la main, et que t'auras toujours un makhraj dans cette situation. Une issue. Donc ton cœur, t'es sincère, t'as dans l'ensemble comme il faut, t'auras toujours une issue. Et si tu patientes, t'auras toujours une issue. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ajaman amra mu'min, fa inna amra ukula ula ukhay, wa lisa zalika li ahadi lil mu'min. Iza asabatu sarra shakara fa kana khirun la. Que l'affaire du musulman elle est incroyable. Et que toute son affaire, elle est incroyable. Tout. Et ça, ce n'est que pour lui, le musulman, le mu'min. S'il lui arrive un bien qu'il remercie, c'est meilleur pour lui. Il lui arrive un méfait et il patiente, c'est meilleur pour lui. Quoi qu'il t'arrive, tu patientes, c'est bien pour toi. Tu remercies, c'est bien pour toi. Tu peux être attristé, dire ma situation n'est pas facile, tu le reconnais, mais tu patientes ou quoi? Elle va trouver un mariage. Ou par la mort. Qui va venir vite. pour te libérer, ou par la suite, ta situation va s'améliorer. Et même ce fait que tu es clochard, t'auras appris beaucoup de choses. T'auras tiré leçon de beaucoup de choses. Je te dis pas que faut envier, tu vois. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour te dire que même quelqu'un comme ça, s'il a médité, faire de Allah, il va comprendre des choses. La pauvreté, c'est quoi? L'ascétisme, la dunya, c'est quoi? Qu'elle est rien du tout. Tu vois? Les gens, comment c'est des mutakabbirun, il va voir comment ils sont les gens avec lui. Il aura connu la faim, vraiment. Il aura connu le froid, vraiment. Il aura connu vraiment, tu vois, l'abandon. Et donc son tawakkul sera augmenté pour venir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait ça, c'est qu'il le supporte, c'est que Allah c'est qu'il le supporte. Celui qui était dans cette situation-là, j'en connais pas. Je te dis, ça c'est un exemple que j'ai imagé, j'en connais pas moi, tu vois. Mais il faut que demain tu sois éprouvé que pendant quelques jours, t'es pas de toi. Ça arrive à combien de gens? Là, je te parle maintenant un clochard vraiment continu. On appelle un, tu vois. Moi, je connais pas, j'en ai jamais vu. Des muslimoun, rossa ou quoi, il y en a. Je te parle un mouahid moustaqim, un salafi dans ce cas-là, j'en connais pas. Parce que tu vas trouver, si on parle un peu d'islam, des gens ils tombent dehors. À Salam, on l'a vu. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Mais regarde comment ils sont. Regarde leur hell. C'est pas déjà moustaqimoun, arrêt. Il khazan, il prend du cote, il fume, il mendie, ça se trouve, il vole, il est tout sale. Je ne sais même pas s'il fait salat. T'as l'azan, t'as de la salasa, tu penses qu'il est en train de dormir dans la rue. Tu ne sais pas comme ça qu'Allah va le sauver. Tu ne sais pas comme ça qu'Allah va te préserver. Tu veux qu'Allah te préserve, fais une cause déjà. Taqim, lève-toi, fais le dos, va faire salat avec les gens. Ah ben les gens te voient là comme ça, là. Dis voilà. Tu vois, musulman, il est éprouvé. Regarde comment il remercie. On a dit dans le hadith, Iza sabat darra, fa sabara, fa kana khairullah. Tu patientes. Tu patientes, toi, t'as lâché la salat. T'as pas patienté, toi. Au pire, tu la retardes, tu l'as fait. T'as un mosquée à 5 mètres de toi. Pourquoi tu ne fais pas maintenant que la jamaa hein? Non, préfère attendre plus tard. Pourquoi? Allah alam. Et bien, des gens comme ça, oui, ils sont éprouvés. Non. Moi, je te parle de la personne du mustaqim qui fait des efforts, qui craint Allah, qui fait comme il peut. Et comme ça, pour ma part, j'en ai pas vu. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis j'en ai pas vu. Et j'ai entendu personne me parler de gens comme ça. Maintenant, des fois qu'on est éprouvé périodiquement, non, il y en a eu. Tu vois, quelques jours, quelques temps, comme ça, c'est déjà arrivé. Ah, mais maintenant, un frère, il dit, ouais, je connais un frère salafi, c'est un clochard des années et tout, et kaza, et kaza, et kaza, et kaza. Il y a l'histoire de Ayoub, alayhi salam, qui est un exemple, qui a été longuement éprouvé par la maladie et l'abandon. Mafalan. Je ne dis pas que c'est pas arrivé, mais je parle là, dans notre époque, là, maintenant, là. Bihas b'ilmi, j'ai pas entendu le témoignage de frères qui ont vécu ça. Tu vois, je n'ai pas entendu. Mahmaken, pour revenir au sujet, que, on retient quoi le shahid, c'est l'homme de ta'abboudi. On ne connaît pas les sages des choses, on les fait quand même. D'accord, on les fait quand même. Ça y est. Donc, ouais, ben, tu m'as rappelé que le hadith de Hijama, on n'est pas pris. Mais moi, tout à l'heure, quand je révisais, je me suis dit, mais je ne me rappelle pas l'avoir lu. Voilà, Kullin. Donc, ça, c'était le khurasa de Bab Nawaqid al-Wudu. Et Raden Hakaten Inch'Allah Salat Koulou Fibab Adab Qada El Hadja, qui est le comportement dans l'accomplissement des besoins. Akada. Mafoum. Taïb. Faïla Huna. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.